Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. Planet Rap. 20h-21h. Ladies and gentlemen. Ce soir, c'est Planet Rap Carrie sur Skyrock. Et c'est le dernier Planet Rap ce soir avec la sortie, ça y est, depuis ce triste, matin. Triste. C'est dispo, ça va bien, Caris? Ouais, très très bien. Moi aussi, tristonné. Content, c'est un beau jour aujourd'hui. Tristonné et en même temps heureux, ouais. Numéro 1. Il est sorti. Ça fait plaisir? Ouais, ça fait plaisir. T'as fait quoi aujourd'hui, Caris, pour cette journée particulière de sortie? J'ai dormi toute la journée, je me suis gratté les couilles. Ah, c'est. Tranquillement devant la télé. Une bonne situation. Voilà. Il y avait des trucs intéressants pour se gratter Ouais, je regarde des trucs tellement pétés à la télé, des fois, laisse tomber. Je regardais un truc, c'était chelou. Les voisins, ce qu'ils font les voisins près de chez vous, je sais pas quoi, avec des mauvais acteurs. Ouais. Je me casse des barres. Ah, je vois ce que c'est les trucs, voilà. Genre ils rejouent des scènes, des machins et tout. Je les regarde en replay, en boucle. Ah ouais, c'est pas mal. C'est vrai qu'il faut le prendre au millième degré. Ah, au millième degré, bah oui. Bah et oui. Tu tapes des sacrés barres, par exemple. Les acteurs, ils sont trop lourds. Donc aujourd'hui, journée calme. Ouais. Et la sortie, donc beaucoup de gens qui sont précipités dans les bacs, qui ont été téléchargés aussi, le projet Double Fuck. Le projet, il est sorti, le bébé, il est là, le Graal est là, il est beau. Et le hashtag pour agir ce soir, c'est Caris sur Skyrock. Vous balancez tous vos messages, c'est donc parti. Dites-nous un petit peu aussi vos morceaux préférés, hein, les morceaux qui sont présents sur Double Fuck. T'as déjà eu pas mal de retours de gens qui disent « Ouais, ça c'est mon morceau. » Ouais, j'ai des bons retours. Ouais. Ouais. Lesquels reviennent en particulier, t'as une petite idée? Tous les noms quasiment, ils reviennent. Bah, j'ai entendu beaucoup Audemars, j'ai entendu Sinaloa. Audemars, beaucoup, ouais. On va le repasser Audemars. Ce soir, Sinaloa, beaucoup. Sinaloa aussi. Ouais, il y en a beaucoup. Y en a et beaucoup. Puis les morceaux qu'on connaît, on va débuter dans un instant avec Terrain et on va présenter les invités dans quelques minutes. On juste avant. Avec Sinaloa, t'as vu comment le clip il sort lundi à 18h. Donc c'est important, il faut que les gens l'écoutent bien et qu'ils sachent que lundi à 18h, il y a le clip. Si ça te dérange. Sinaloa pas. Dans un instant, mais juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé un petit peu. On a fait un petit concentré de cette semaine avec Caris, ça donne ça, écoute. C'était toute cette semaine avec Caris, en direct sur Skyrock. Homme de toute catégorie. J'ai la logistique. J'ai la logistique. De plus large que le gorille. Avec le Magic Stick. Avec le Magic Stick. Y'aura jamais de one-one, bitch. Non. C'est pas la fête. Non. J'suis Obi-Wan, bitch. T'es Django Fett. T'es Django Fett. C'est la loi négro. C'est la loi négro. C'est la loi négro. C'est la loi négro. C'est la loi négro. C'est la loi négro. C'est la loi négro. Glock, chou, bâton. Sinaloa nègre, Sinaloa nègre, Sinaloa nègre. Putain, j'ai dit putain. C'est de l'euro pour tout. Planet Rap. Ma voix vaut de l'or, rouille ta chaîne en toque. Le savoir est une arme, j'ai une batte, j'ai un Glock. À part rempli de sup, sac rempli de thunes. Gros tapage nocturne, les voisins n'en peuvent plus. Le mec le gère comme une grosse pute. Tous ces négros veulent ma chute. Distribuer les supercutes, tu parles de rue, on t'a jamais vu. J'ai la dalle comme d'hab, je représente comme d'hab. Sur le terrain comme d'hab, fort pimpé comme d'hab. Planet Rap. Parce que ça, je n'ai aucun ennemi, sauf celui qui touche à la famille. Soudé comme nous, y'en a pas mille. Parmi nous, pas crête qu'on les bannit. Planet Rap. Planet Rap. Construis mon édifice, t'as déjà vu un ogipice. Pour moi, tu n'es rien de plus qu'un assortiment d'orifice. Qui t'a dit qu'on est zen? Hein? Qui t'a dit qu'on est zen? Dès que j'arrive, on les gêne. Jingar est dans les gènes. Désert, eagle, balle, chemisé, ajouté au panier. Je vais fermer des gueules, je vais pas m'amuser, je vais te rajouter dans le charnier. Tu te pisses dessus dès que tu nous vends en concert. On vous tire dessus comme sur des boîtes de conserve. Si je suis pas le dernier à rester debout sur le ring. Que le rap français me pende avec son string. Showtime. Caris dans l'émission rap de référence. Planet Rap. En direct sur Skyrock. Let's go. Un petit aperçu de ce qui s'est passé cette semaine. Tous les lives, hein, vous les retrouvez sur le skyrock.fm, sur la chaîne YouTube de Skyrock. Il y a tous les lives avec Caris, avec tes invités aussi qui sont passés. Ouais, tous les invités qui sont passés. Et ce soir, d'ailleurs, d'autres invités autour du micro de Planet Rap. Ce soir, il y a Warmsty qui est là. Bosch en force. Tout droit sorti du 9-3 aussi. Loxon, c'est un des beatmakers de rap et musique. l'un des très gros actifs aussi. On fait des donc gros. Tu fais partie de l'équipe. Sinaloa, par c'est toi qui as signé Sinaloa. Ouais, Sinaloa. Et plein d'autres. Tu vois. J'ai fait Sinaloa Recharge. J'ai fait le son de PSO Tug. Et un autre morceau, c'est Double Calage, qui est très très très très, très lourd. Ouais. Très très lourd. Et il en a fait plein d'autres. On va débuter d'ailleurs avec Sinaloa. T'as un petit souvenir de ce morceau? Comment il est né? C'est parti de quoi? Il y a eu une inspiration particulière? Sinaloa, je l'ai fait. J'étais en Thaïlande. Ah. Je suis sorti après un massage. L'inspire vient de là. C'est bizarre, hein, c'est, il en faut peu après parfois. Un étrange massage. Donc après un massage, t'es là, t'es en Thaïlande. Tu prends quoi? L'ordi? Tu commences à te dire oh, putain. L'ordi. Là, il y a un truc qui se passe. Mais t'y pensais pendant le massage ou pendant la finition? Hein? Ah non. C'est vrai, parce que quand on écoute Sinaloa, qui est quand même pas un des morceaux les plus calmes non plus de l'album, tu dis qu'est-ce qui s'est passé quand même dans ce massage? Parce que... Non, le morceau, après, il est ambiancé, tu vois. Ambiancé, j'ai voulu faire un délire. Parce que l'instru, elle est, on va dire, elle est pas commune. Et voilà. Tout, hein. Donc c'est un gars surveillant en tout cas, c'est hein, un gars ça tu confirmes. Super sérieux. Mais il en a fait d'autres. Et là il y a Bakil aussi qui est. Et Bakil qui est de retour. On a entendu hier, aujourd'hui on va faire un freestyle. Ce soir il y a quoi? Freestyle de prévu? Freestyle ouais, Bakil, Wormsy. T'es chaud? depuis 2009, j'ai essayé. C'est là qui pourrait peut-être arriver là. D'ailleurs, ouais, tiens, il y a le morceau d'ailleurs de Wormsy, SCH et SCH. Où sont les euros? Où sont les euros? Très bon morceau. Très gros son. Très gros son. Ouais, c'est un des morceaux que j'ai vu aussi qui revenait pas mal aussi. Et bon, on pourra le découvrir dans un instant. On débute avec Sinaloa, c'est parti. Sinaloa. Donc signé, sont signés après un massage. Signé après le massage de Loxon. Je pense qu'on va l'écouter peut-être différemment d'ailleurs le son. Nicolas Noël. Le clip il arrive lundi à 18h, il est très chaud. Maintenant que vous connaissez l'anecdote du massage, écoutez le morceau, peut-être que vous allez l'entendre différemment. Sinaloa, Caris. Que ça faisait de l'euro, poteau. Cartel de Sinaloa. 2-7, 2-7, 2-7. Sinaloa. Sinaloa. C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. Glock, choix, boca, bédo. Sinaloa, négro. Sinaloa, négro. Sinaloa, négro. Sinaloa, négro. Sinaloa, négro. Sinaloa, négro. Sinaloa, négro. Sinaloa, négro. Soit ils l'ont profond au fond du gosier. Soit ils passent leur temps à se baisser pour amasser leur dossier. Je vais prendre sans qu'on me le donne. Vu qu'on a souffert, j'fais une Lamborghini Reventon et une conne à tout faire. Les Mayas avaient tout dit, ça m'en a tout l'air. Je sais, le rap français fait connerie, il ressemble à Poudère. Come again, come again, come again, come again, j'ai la haine, j'ai la haine. Barbu comme le fantôme à Ben Laden. Ben Laden. On a commis beaucoup d'actes inavouables. Baiser du faussaire, fumer du crack comme un couac. Je parle à ce nec, t'as rien de méchant, oui je pense à toi. Ta sœur a ses règles, pour qu'elle voit du sang, plus souvent que toi. Les nuits sont traîtres, ses fils se font arroser. Quand tu manges ton grec, je pisse du champagne rosé. Je vais planter mon drapeau, dans ton trou de balle. Tu dis beaucoup plus de mots, que tu tires de balles. Regarde l'équipe qui pété, que tu t'es dégoté. Par la bouche, par le huc, ta mère sort. T'es de côté, tu sais bien que je vais revenir. Jure comme un bras, jure comme un bras. Cette fois pour bien te punir. J'prends du comme un gras, comme un gras. Y'aura toujours des barrières. Ma gueule est plus profonde que tes vitres arrière. J'vais t'allumer pour éteindre ta petite carrière. Sors de rire, mais j'me promène la bite à l'air. J'suis posé détente, j'écoute ce qu'ils prétendent. Doigt sur la détente, j'attends que c'est pédé détente. J'suis plus paro qu'un gueusné. Chez les sudistes, si la France me subsiste. Fuck les puristes. Trappeur ne prend plus de risques. 50 ne vend plus de disques. Non, j'mets les petits plats dans les grands plats. Tu me dis cap dans les grands plats. Galilée avait raison et tant pis. La terre est ronde, mais ton cul est bien plat. Arme de toute catégorie. J'ai la logistique. J'ai la logistique. Ton plus large que le gorille. Avec le magic stick. Avec le magic stick. Y'aura jamais de one-one, bitch. C'est pas la fête. Non, j'suis Obi-Wan, bitch. Django Fett, les Django Fett. C'est la loi négro, c'est la loi négro, c'est la loi négro, c'est la loi négro, c'est la loi négro, c'est la loi négro, c'est la loi négro. Glock, chouin, boca, bédo. Sinaloa nègre, Sinaloa nègre, Sinaloa nègre, Sinaloa nègre, Sinaloa nègre, Sinaloa nègre, Sinaloa nègre, Sinaloa nègre. Sinaloa, c'est vrai que tu sens bien la montée du morceau en fait. Tu sens la puissance. Tu sens la puissance. Tu sens qu'il y a quelque chose qui monte à ce moment-là. Tu sens la puissance de la Thaïlande. Hein. Il y a un truc qui va arriver. Il y a un truc qui est imminent. D'ailleurs, ça doit faire plaisir qu'on est justement compositeur, qu'on est producteur, de voir le résultat final d'un morceau. Alors, plaisir ou pas, parfois, est-ce que tu as des mauvaises surprises sur des sons que tu as fait ? Non, parce que en général, les artistes qui posent sur les instrus, c'est des gens que, musicalement parlant. Ouais, qui tu t'entends, ouais. Voilà. Ouais, des gens qu'on a validés. J'aime bien, tu vois. Ouais, des gens qui sont avec nous. Et le résultat final, donc quand t'entends le résultat final sur Sinaloa. Ouais, lourd. Lourd. Très lourd. Ouais, très très lourd. C'est le morceau qui ouvre l'album d'ailleurs. Le, non, mais le des fois, t'as vu, quand t'écoutes une instru et qu'elle est lourde à ce point-là, tu vois, tu te dis. Tu flippes de. De faire vaincre par l'instru, tu vois ce que je veux dire. De trouver les, ouais, voilà, les mots qui vont aller avec. Des fois, l'instru est trop compliqué, des fois, elle est trop hoche. C'est vrai, tu peux te faire niquer par une instru. T'es arrivé, toi, t'as un souvenir de certains morceaux, tu t'y reprends à plusieurs fois sur des instrus en disant. Ouais, il y a des instrus qui m'ont fait flipper. C'est vrai? Ouais. Sur l'album aussi, sur le projet. J'ai gagné, finalement, j'ai gagné. T'as gagné? Toujours. Toujours. Celle-là, m'a fait flipper, celle-là. Celle-ci, ouais, au début, quand tu l'as reçu, tu dis. Putain. Merde. Comment je vais faire là-dessus? Ça sent la Thaïlande. Ça sent le sable de fin. Sinaloa, c'est ce qu'on écoute à l'instant sur Skyrock. Dans un instant, il y aura un autre morceau aussi qu'on passera. On met quoi? Où sont les euros avec. Où sont les euros direct? On va le mettre direct. Direct. Un petit mot quand même sur Warmstick, elle est avec nous. Caris, quelqu'un que tu suis, quelqu'un que tu connais aussi. Qui ouais, Warmstick, c'est le poteau. C'est le poteau de Bobosh. Ça fait longtemps maintenant. Voilà, tu vois. Tu connais. On est ensemble. Fidèle. Et voilà. Et que tu fais quoi là? Je suis là. On est dans le four là, on est en sous-marin. C'est vrai, ça taffe dur. Ouais, ça taffe. C'est imminent aussi, pareil quoi, 2016 plutôt. Ça va cogner très fort. Avec le poteau Bakil, Rizka. Si. Ça va cogner très très sérieusement. Donc faut guetter Warmstick. Ça arrive, mais t'as une idée de ce qui va arriver dans les mois, les semaines qui. Ah, ça c'est pas moi qui décide, hein. Tu sais, c'est l'équipe. Ça c'est l'équipe. C'est un général, t'as vu. Même peut-être Rizka, elle aura son mot à dire dessus, sur les sorties. J'ai toujours mon mot à dire. Hein. Il est dur, hein. Faut pas croire, il n'y a pas que Thérapie qui est difficile dedans. Il hein. Y a Baron, il y a Rizka, toute l'équipe. Ray. Bon, bah, en tout cas, on va te retrouver sur ce morceau. Juste un dernier mot, comme on a passé Sinaloa aussi, je rappelle que le clip arrive à 18h, c'est lundi, hein, de Sinaloa, le morceau qu'on vient d'écouter. Lundi 18h, le clip de Sinaloa. Et là, le morceau, donc, où sont les euros? Où sont les lars? SCH aussi, qu'on peut saluer, hein, qui fait partie aussi du. Gros big up à SCH. Ouais. Très, très, très bon Joe. Qui vient d'ailleurs de filer un clip. Je sais pas si t'as vu son clip là, qui est sorti cette semaine. Ouais, je l'ai partagé parce que j'aime ce qu'il fait. Ouais, je corde avec lui. Avec tout un univers et tout, assez fort, ouais. Il a son style, il a son truc. C'est bien. Et ben on écoute le morceau maintenant avec Warmstick et SCH, où sont les euros. C'est extrait de Double Fuck, c'est dans les bacs depuis aujourd'hui. Je les vois, j'ai des fourrés. Je ne tiens qu'à maman comme mon calibre. Elle a déjà de vrai. Le shit rassasié des carences et ça rend fou. Y'a pas de bouton reset. Je vois des jeunes fêtards en visage creux. Je vois mes tu les fournir. Sur les plus bas tarots dans ta fille. J'ai toi t'es qu'un touriste. Je me tiens pas à carreau dans ton route. Je connais déjà les vrais. Fille pas aux apparences, ça rend fou. Leur veste en cache souvent de vrai. Sûr de moi, sûr de nous avant de te faire. J'appellerai mon feriste. Feriste, on mange pas les restes. Elle grimpe au rideau, je lui fais côtoyer les vrais. Ah oui, y'a du sang sur ma veste. Elle veut nettoyer sans savoir ce que j'ai fait hier soir. J'ai pris le temps et la tire. Le gros, le petit. Où sont mes scélérats? Je vais mettre la bouteille. Où sont mes aides? Où sont les euros? Où sont les lingots? Où sont les bagues? Où sont les chaînes? Où sont les lambeaux? Où est mon bendo? 2-7-0. Où sont les tables? Où sont les chaînes? Où sont les vrais go? Où sont les euros? match. Ce bâtard de keuf veut me faire tourner comme un circuit carole. Je suis pas patriarche. Je suis avec mon fils sur une affaire, il conduit la bagnole. Faut que je m'arrache. La banlieue ramène du shit, personne parle espagnol. Je rappe depuis un cimetière, faut que je t'achève sur la civière. J'ai la cale à faucifère, j'ai le match comme tu bois des bières. Change de bigot toutes les semaines, j'ai la canne baissière, Hedja. Le magot et c'est la Hedja. Je prends le coffre au RSA. Si je tire sur un acteur, est-ce que je vais crever l'écran? Je vais niquer les traceurs et ensuite ta maman. C'est pour tous mes braqueurs et big raveurs de calmant. C'est mon fils qui tient le volant dans un gamo salement. Sont les lingots, sont les bagues, sont les chaînes, sont les lambeaux. Ouais mon bendo, 2-0. Sont les tables, sont les chaînes, sont les vrais go. Sont les euros, sont les lingots, sont les bagues, sont les chaînes, sont les lambeaux. Ouais mon bendo, 2-0. Sont les tables, sont les chaînes, sont les vrais go. On roule sur bisexe, seigneur de guerre sur le toit du crack-ciel. Mauvais greffon, j'suis incompatible, mais j'suis toujours mieux habillé que ma cible. Hardcore comme ta sœur dans un gangbang. Les dinosaures veulent résister au Big Bang. Prends la dans ton huc, la longueur de mon bord. Pendant que j'plante ma lame dans ton cœur de porc. Délias, te nique. J'suis encore plus noir que l'as de pique. Je viens de la France d'en bas des HLM. Gros noir, refait, gros bras, gros pec, blindé, c'est ça qu'elle aime. Bitch, peux te faire décoller plus haut que Air France. KLM, KLM. Les attrape par les hanches, pute. Des muscles plein les manches, pute. À genoux devant le manche, j'te crache sur ta frange. J'dis pute, j'me noie dans l'alcool, ma foi. Tout ce que je vois, tu sais. Malgré tout ça, c'est pute travail, plus que mon foie. R-A-N, sont les euros, sont les lingots, sont les bagues, sont les chaînes, sont les lambeaux. Ouais mon bendo, 2-0. Sont les tables, sont les chaînes, sont les vrais go. Belle affiche hein, sur ce morceau. Sont les euros. Voilà. Caris, Wormsty, SCH. Où sont les euros de Marseille. Et un gros big up à tout Marseille, tous les quartiers de Marseille. Et beaucoup de messages aussi lourds, ce son trop lourd. Le rap français va se pendre. C'est un message qui arrive aussi. C'est longtemps qu'il est pendu. Rap. Ouais. C'est beau les messages, mais faut aller chercher les CD là, les frères. Ouais. En plus, c'est les vacances pour certains là. En tout cas, c'est les vacances. Pendant les vacances, demain, après-demain, allez-y. Enfin, après-demain, si c'est fermé, mais au moins lundi, n'hésitez pas. Retrouver voilà. Partout, tu le trouves. Même après-demain, tu le trouves. C'est possible. C'est pas un problème. Frère. Maintenant, il suffit plaisir. Aussi de commander. Musique, ça fait longtemps. Ouais. Ça va être bien. Ça s'appelle Double Fuck, c'est Double le projet de Caris. Je rappelle aussi que Caris, pendant quelques minutes encore, tu as ce portable que je confierai à quelqu'un d'autre la semaine prochaine. Ouais. C'est le 06 71 74 84 15. Tu as déclaré ou quoi? Tu veux y aller? Tu veux prendre quelqu'un? Vas-y. Parce que sinon j'avais parce que moi j'ai récupéré 2-3 messages qui ont été laissés sur la messagerie. Tiens, tu veux quoi, tu vas écouter. C'est les messages que on a fait un petit concentré de messages pour toi, Caris. Écoute bien. Ouais, Caris. Ouais, là c'est Magis. J'habite à Sevran, c'est ici de 7-0 pour ton cas double raquette, un stadium dans le centre du building. Aïe aïe aïe. Ouais, aïe aïe aïe. Vas-y, balance-nous un gros son pour la semaine. Ciao. Ouais, Caris, ouais, on est là, on représente 19. Ouais. Vas-y, allez, passe une bonne journée, mec, ton. Oui, c'est Sarella. Je vais te dire que t'étais le meilleur et que, ah là là, le rap n'existerait pas sans toi. Enfin, je veux dire, le rap d'aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe, double fuck, Mito. Ouais, Caris, de quoi? Tranquille. Ah, c'est pas de dire, franchement, ça les chiens. Tes sons, tout ça, il y en a juste trois, tu vois. Normal, c'est pas pour tout le monde. Mais franchement, la reste, c'est lourd. Franchement, mon gars, lourd, continue comme ça. Moi, ouais, j'ai pensé à toi, mon gars. Tu sais, des euros, putain! Je dis putain! Putain! Double fuck! Avec le son de Marie, il est lourd! Ouais, Caris, la famille, mais je t'appelle, vu le son lourd que tu fais. Je pense que tu dois gagner beaucoup d'argent et malheureusement payer beaucoup d'impôts. Donc je te donne juste vite mon numéro, je suis conseiller fiscal. Donc ah, sérieux, moi, si tu veux payer le moins d'impôts possible. En famille, après chemin, c'est du lourd, poteau. Mais il manque de trucs chez toi. On présente le gars un peu, Nîmes, qu'est-ce que tu as? 93, 93, elle passe à Nîmes un peu, frère. Allez, tata. Fin de nouveau message. Hey, c'est l'équipe de Diffoul qui a enregistré ça ou quoi? Non, non, je te jure, c'est les auditeurs. T'as un conseiller fiscal qui se propose. Ouais, je vois ça. Ouais. Au cas où. Piquer mon dernier bif qui me reste. Peut-être un coup à jouer. Et puis, oui, le gars, hein, il fallait que tu représentes le gars, donc on salue le gars, ouais, évidemment. Bien sûr. Tu vas partir en tournée d'ailleurs. Toutes les villes de là-bas, on va dire. Tu vas partir en tournée. Et le 9 novembre, loupez pas, Caris, c'est au Zénith de Paris. Ouais, le 9 novembre. Avec des invités. On sort du building avec tous les invités. Est-ce que les gens qui sont autour de la table, on pourra les retrouver aussi au Zénith? Comme Jaja. Donc 9 novembre, loupez pas, tiens, il y a une petite question pour repartir ce soir encore avec deux places pour aller voir Caris. Quel morceau a fait en live Caris hier soir? Hier soir on a eu un gros freestyler avec l'équipe de Sevran notamment. Mais tu as fait un morceau juste avant, quel était-il? Assez simple, j'ai envie de dire. Simple. Très simple même. Vous envoyez par SMS 41759 ou alors avec le hashtag Caris sur Skyrock. L'un ou l'une d'entre vous repart avec ses deux places pour le Zénith de Paris. On passera quoi Caris dans un instant, tiens, comme morceau? Qu'est-ce qu'on a? Terrain. On va se mettre peut-être un petit terrain, on l'a pas mis encore, d'habitude on ouvre. Vas-y, on va se mettre un petit terrain. Un petit terrain. Vas-y, c'est bon ça. C'est ce qu'ils veulent. Et ben un petit terrain dans un instant, tiens, prends un coup de fil aussi, regarde, ça appelle. J'appelle en masqué mon pote. Ah merde. 06 71 74 95. Allô. Tellement discret qu'il ne parle pas. Bon, qui a raccroché. Voilà. Un autre bon peut-être 06 71 74 84 15. C'est la ligne directe pour Jean de Caris encore ce soir. Pendant quelques minutes, n'hésitez pas à balancer aussi tous vos messages. T'as vu tout... Ah bah tiens, ça y est, ça sonne. C'est reparti. Allô. Allô. Ouais, c'est mon poteau. Bien ou quoi? Bien ou quoi ma gueule? Aïe aïe aïe. Je sais pas sur ma mère là, mon poteau. Oh la vie de ma mère Karim, ça fait depuis. Pas tout à fait 100 fois, la vie de ma mère ça fait depuis 100 fois que j'entends frérot. Eh ben t'as vu là on s'est eu au téléphone là, c'est bon mon gars. Tu t'appelles comment frérot? Oh frérot, je m'appelle Akan frérot, sur le Akan. Aïe aïe aïe. Oh frérot, oh non, tu sais pas frère. Sur... T'es d'où? T'es dans quel coin? T'es dans quel coin poteau? De Strasbourg frère. Strasbourg. Si, si, je suis cordon avec toi. On va venir là-bas. T'as été à Strasbourg déjà ou pas encore? Ouais, on a déjà été à Strasbourg. Poto, je t'ai appelé 91 fois sur la vie de ma mère, Poto. T'as même pas été jusqu'à 93 92, fois. Mon frère, voilà. 92, on s'est eu, t'as vu, y'a pas de problème, frérot. Gros, ça fait quoi? Je pète un câble, mon pote, sur la vie de ma mère. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Vas-y, ma petite gueule, on se rappelle après. Vas-y, on se rappelle après. Ok? Vas-y, vas-y, t'as tout niqué, bien wesh mon poteau, yes. Et bah du côté de Strasbourg, voilà, petit coup de fil, c'était à Cannes, c'est ça son prénom? À Cannes, il a tout niqué. Allez, si vous voulez joindre Caris, on essaiera de reprendre encore quelqu'un dans un instant. 06 71 74 84 15. Caris, on met le terrain juste le après terrain. Allez, c'est allez, parti. Bougez pas ça après la pub. Et la roulette aussi qui va tourner dans une demi-heure, inscription 41 759 avec votre prénom, numéro de téléphone, allez-y. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ce soir, Planète Rap reçoit Caris. C'est Caris, notre invité entre 20h et 21h. Ce soir, c'est aussi la dernière. On va donc forcément parler un petit peu d'avenir, Caris. Ouais, ouais, ouais. Donc l'avenir, c'est la sortie, ça y est, depuis ce matin. C'est la sortie depuis ce matin. C'est les concerts qui arrivent. C'est les concerts qui arrivent, le 9 novembre au Zénith. C'est le 20 janvier, le film de Julien Leclerc, avec Samy Bouajila, ouais. Youssef Hadji, Karina Karina. Voilà. Tu vas faire une petite... Un gros big up quand même, Def Jam, tu vois. Enfin, un big up à Greg, à Emma, Alex, Marine et à Jamel, bien sûr. Tous ceux qui sont venus cette semaine, Wormsty, Bakil, Solo, Braco, 270 Gang, tous ceux qui sont venus, Pera. Je vais faire aussi un big up à Chichi, Caïs, Sol Campbell, Scotty, Cham, tout Bondi Nord, Branceux, tous les quartiers du 93, de Clossin. Je voulais faire un big up à Lino, ici présent, Jason Kipré, le Zincou, DJ McFly, et bien sûr à Abdelux, Booking. Caris, hotmail.com, 270 frérot. Tu t'es apaisé, Caris. Ouais, un petit moment de. En douceur. Un moment, voilà. Un moment de tendresse. Ce que j'ai oublié, je suis là. Ça va trancher avec le morceau qu'on va mettre maintenant, d'ailleurs. Hein, maintenant, on met Terrain. Voilà, c'est le morceau qui s'appelle Terrain. C'est extrait du projet. On retourne à la violence. Double fuck sur Skyrock, Caris. Et bon, on y va, coup d'envoi de Terrain. Vos messages, le freestyle par téléphone, ça arrive aussi dans un instant. Et le hashtag, c'est Caris sur Skyrock. lem. T'as le seum, seum. J'fais des lem. J'nique des rum. J'fais des lem. T'as le seum, seum. J'fais des lem. J'nique des rum. Clic, semi-auto. Ah, j'ai du liquide amniotique. Devenu automatique dans le cathmatique. Sorti de l'école de la République. Des larves. Poussi. Parle pas ou bien parle en nouchi. Plus d'armée de soucis, mon seul problème désormais est de choisir entre le caviar et les sushis. Je m'allume ma grosse part. Elle a vu ma grosse part. Elle fait le grand écart. J'ai de la mouille dans la beubar. Contrôle de police, ma guide, il me reconnaît, me demande une photo pour son fils. Il me laisse repartir dans une gova pétard dans la boîte à gants. Mon pétard sous le siège, un gomme-gom. Demi-tour en marchant mon chewing-gum, gomme-gom. On va plus leur faire de crédit. On fait plus la guerre entre eux. Je crois bien que tout est dit. J'sors mon arme, j'amani, j'porte un jean Armani avec une paire de Bousemi. Leur faire du le ça, on pourrait. J'suis dans mon rose beau bois, j'allume la LED juste pour voir taré en Blu-ray. J'fais des lem. T'as le seum, seum. J'fais des lem. J'nique des rum. J'fais des lem. T'as le seum, seum. J'fais des lem. J'nique des rum. Sors pas ta caisse, c'est le drive, dis-nous vite, tu prends quoi? Les bip-bisseurs bloquent l'ascenseur devant toi. J'bouge pas, j'me pose dans le hall en été ou dans le froid. J'attends les polos, t'attends ton conseiller au pôle emploi. Lunettes, casquettes, fuck toi et ton képi. Quatre grosses balles trinquent dans une Ford Mégral, font képi. Fais bien la fête, n'oublie surtout pas que t'es mon petit. M'invite pas à ce qui sort, mon canon c'est pas des confettis. Ils ont vu mon casserier, ils ont cru à l'accident, c'est juste qu'elle suce avec les dents. Posé comme un bâtiment, je ne fais plus de sentiments, je crache dans tous les compartiments. Kandahar, Gandora, double calache et on t'aura. Produit dans la planque, cracker sans manque, je suis dans le tank, c'est pas un prank. J'fais des lem. T'as le seum, seum. J'fais des lem. J'nique des rum. J'fais des lem. T'as le seum. J'fais des lem. J'nique des rum. J'fais des lem. T'as le seum. J'fais des lem. J'nique des rum. J'fais des lem. T'as le seum. J'fais des lem. J'nique des rum. Terrain à l'instant. Terrain à l'instant. Vous retrouvez sur Double Fuck. Double Fuck. Pareil. Dans les bacs aujourd'hui. Les images et le clip est dispo. Il y a un autre clip qui arrive lundi 18h, c'est Sinaloa. 18h, c'est le clip de Sinaloa qui arrive en force. Comme et, je disais donc aujourd'hui, c'est la sortie, hein, 16 octobre 2015, sortie de Double Fuck. Faisons une petite interview dans le temps et allons le 16 octobre 2025, dans 10 ans, Caris. Ouais. Par exemple, si je te dis dans 10 ans, Caris, tu seras. Tu réponds. Vivant si Dieu veut. D'accord, pas mal. Dans 10 ans, tu rouleras avec. Une grosse voiture si Dieu veut. Toujours. Ouais. Dans 10 ans, tu vivras. Sur Terre, si Dieu veut. Et dans 10 ans, tu sortiras. Avec mes enfants dans la rue, si Dieu veut. Ouais, le rap, à un moment, tu penses que tu passeras autre chose. Dans 10 ans, il n'y aura pas de rap, frère. Ah ouais, vraiment? Non, je suis sur la fin. J'ai presque fait le tour. Déjà? Ouais. Bon, il y a encore d'autres sorties, tu vas pas lâcher. Ah oui, il y a encore des sorties. Je vais pas les lâcher comme ça. Il y a encore de l'inspiration. Oh, je vais leur casser les couilles jusqu'au bout. Il y aura peut-être un triple fuck. Bien sûr. Triple fuck, il y en aura plein, il y aura plein d'autres trucs encore. C'est pas aller loin en même temps, t'as commencé par le double. Parce que ça va vite aussi. Ça va très vite, ouais. Ça va très vite. Ça tourne vite dans ma tête. Ça va très vite, ouais. Ces années, ouais, les années, t'as un peu de recul sur ce qui s'est passé depuis. En même temps, il y a ce besoin d'être toujours là, d'être présent, tu vois. De faire comprendre aux autres MC que je suis présent. Et que je vais leur casser les couilles. T'as toujours la compétition, toujours. Toujours la compétition. Et t'as pas lâché. Je lâche pas l'affaire. Je vais rien lâcher. Quoi qu'il arrive, faut qu'ils le sachent. Tu penses déjà à une sortie de projet, est-ce qui sera plus rapide que celui-ci, Double Fuck, ou tu vas prendre un peu plus de temps là maintenant, tu vois? Le prochain album, il va arriver quand il doit arriver. Hein. Mais il est déjà en préparation. Ça, c'est déjà. Ouais, ouais. C'est déjà en cours. Déjà en mode guerre. Bon, et puis il y a la tournée en attendant, le 9 novembre. La tournée, c'est le 9 novembre. Au Zénith de Paris. Tiens, j'en profite aussi, alors c'est un autre concert où tu seras pas, mais demain c'est pour la Fondation Abbé Pierre, donc concert de soutien avec des places aux alentours de 10€. Donc en plus, vous faites une bonne action. Et sur scène, vous verrez Siana, LECK, Mac Taylor, Mokobé, Jamel qui doit passer aussi. C'est demain. Gros big up au poteau tailleur d'ailleurs. Ah, là, c'est ouais, une grosse dédicace qui vient de sortir aussi. Allez-y. Pareil. Un nouveau clip aujourd'hui, j'ai vu ça. Donc allez-y, demain, c'est le 17 octobre à la Cigale de Paris pour la Fondation Abbé Pierre. On va accueillir maintenant Ersac de Plaintel. Salut Ersac. Salut. Ça va bien? Bien, tranquille. Wesh mon frérot, ça va? Tranquille et toi? Si, si. Lourd, le son avec SCH et Wormsty, hein. Ça va, t'as kiffé ou quoi? Lourd. Ah, je suis corda. Bien vu, Reto. C'est moi qui ai écrit le couplet de Wormsty. Ouais. Ah, lourd. Non, je rigole, frérot. Non, tu veux me niquer ce soir. Ça, en même temps, le couplet dans le rap... de SCH aussi, c'est moi qui l'ai écrit. Lui et Beko, ils sont son Beko de ce soir, là. En même temps, c'est vrai que ça, c'est dans le rap, c'est un truc, on a du mal à imaginer. Toi, tu pourrais écrire pour d'autres ou pas, Carissa? C'est un exercice qui te plairait ou ça te paraît compliqué? Je pense pas, non. Ça te paraît compliqué? Non, je pense pas. Mais vraiment que ce soit quelqu'un qui soit dans mon délire, tu vois. Toi, Worm, ça existe. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font. Ils sont payés pour écrire des couplets à des gens. Ouais. Toi, Worm, si c'est. Moi, c'est la chose. Tu m'as l'air bien renseigné, mon pote. Oui, c'est ça, je veux dire. J'en vends. Ah, c'est une proposition, en fait. Si tu veux acheter un couplet, tu le fais ici en live. D'accord, très bien. Bah, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à demander à Worm. 6 200 € le couplet. Ah ouais, il va falloir faire péter quelques plans épargne. On donne 22 € à Sky. Et normal. Sympa. C'est pour ça les 6022. Okay. Comme toi ou pas? Tu aimes partager au Steve, ça fait plaisir. Normal. Bon, Ersa, avec toi, on va écouter maintenant ton couplet. C'est parti, c'est l'heure du freestyle par téléphone. Go. Balance la sauce, mon frérot. Ouais, ouais. Reste encore. La double A. Ego, on veut fuir la mer, monter à bord du classe à m'instant. Fumer la verte au bord de la mer, et sans je m'évade de trois tard. Remplis de fils de pute, se font les vrais. Ils veulent nous faire croire qu'on est voué à l'échec. On grimpe à le sommet, dans son grain nous effraie. On rêve tout ça, j'en barre d'ici. Car y'a Glaza qui m'emmène si loin. Poteau, le destin m'apprécie pas, je reste solo. Reste dans ma nature, je capte trois sous pour qu'ils sortent, y'a ici pas. Et je pense à toi derrière les barreaux d'Argentan. Le silence est d'or, mon frère, on se la ferme jusqu'à ce que l'argent tombe. Et j'en place une pompe poteau DIRS, mon sauce du sud, qui jusqu'ici me pousse à continuer. Dans ton regard, je vois bien de la haine. Mais t'inquiète, mon frère, la retourne, ces fils de pute nous rendent la vision. Trouver ce qu'il est doux, ce qu'il carre plein. C'est juste un simple constat, je m'arrave là-bas, je me casse et puis pas ça. Je rafale ces fils de pute, car trop de temps se sont perdus. Aujourd'hui, on visera les gestes qui voulaient pute. Pour l'instant, je suis perdu. Je côtoie que des braves, je les compte à peine sur une main. La vie de ma mère, ça part en couille pour des salopes. Je veux qu'on m'explique là. Inter, si je suis vénère, c'est pas les meufs, mais la raison qui m'apaise. Je sais perdre dans mon tel, me calculez pas. Je quittais la merde, les médias nous baratinent. On peut se qui cogitent traumatisés à répéter ce que ces bâtards leur diront. Ce sera trop tard pour méditer, recherche la vérité avant que toi ils font. Bah ouais, on devient tous fous, on focalise sur le blé. Aujourd'hui sans sorte de compte bras, on tape des quenelles déplacées. Poteau jusqu'ici c'est qui les barons. On veut faire les choses carrées même si dans notre tête ça tombe pas rond. Ok, Ersac, à l'instant de Plaintel, merci à toi. Ok, mon frérot, ouais. Bien ouais, Jean. T'as assuré, ouais, t'as assuré. Mais c'était chaud, l'ancien, j'entendais pas trop. Ouais, mais c'est pas grave, sais, continue comme ça, frérot, continue. On a continue compris l'écriture, la rue. Voilà, ouais, on sait que par téléphone, de toute façon, c'est très c'est pas complexe. Facile, c'est pas facile. Ouais. Et bien vu, double faible, lourd. Cimer, frérot, cimer. T'es un bon, mon gars, continue comme ça. Ersac, tu veux balancer quelques adresses où on peut te retrouver sur le net? Vas-y, c'est le moment ou jamais. Hein. Ouais, non, j'ai pas trop de fond, juste un fond RSAK 16 mesures, mais là, bientôt, je vais enregistrer dans un. Ouais, fais un petit, balance-le, frérot. Et j'ai oublié, tu viens nous voir mardi, t'es libre mardi, tu viens à Paris, tout frais payé, hôtel pour deux personnes, le train à l'occasion de la sortie du film Paranormal Activity, film qui sort le 21 octobre. Toi, t'es invité à l'avant-première à Paris, au Gaumont-Marignan. Je suis là. C'est mardi, tu seras là? Et ouais, bah, je serai là, vas-y, ouais, et bah écoute, tu règles tout ça, les hôtels, les machins, c'est pour nous. C'est okay, pour nous, et le film Paranormal Activity de Ghost Dimensions. Ouais, tu peux passer quelques dédicaces? Vas-y, on t'écoute. Grosse dédicace à mon poteau DAS avec qui je rappe. Grosse pensée à lui, une grosse pensée au poteau Apejo, il est enfermé à Argentan. Grosse pensée à mon poteau Strenro, Ketox, J'aime, Bob Touzoulou, Gis, au Riff, là, j'ai tous les autres poteaux, ils se reconnaîtront. Je l'aime bien, Babtou Zoulou. Merci à toi en tout cas. Ouais, ça marche. Passe une bonne soirée sur Skyrock. On avait promis un autre morceau. C'est quoi, le démarrage Hold Up? C'est ça que tu veux? Ouais, c'est ça. On y va? Démarrage Hold Up. Parti. Caris. Démarrage on top, si tu veux nous voir, prends un télescope. Démarrage on top, si tu veux nous voir, prends un télescope. Démarrage on top, si tu veux nous voir, prends un télescope. Démarrage on top, si tu veux nous voir, prends un télescope. Tous tes gosses sont inspirés, tous mes gars sont déchirés. Tu t'emmènes dans ma virée, ça ne va faire qu'empirer. Tous tes gosses sont inspirés, tous mes gars sont déchirés. Tu t'emmènes dans ma virée, ça ne va faire qu'empirer. Je t'emmène dans une nouvelle zone. leurs albums sont pétés, je prends pas le temps de recycler, je mets tout dans la poubelle jaune. Quand je vois caca mais bonne, je danse comme MC Hammer. Je fais un élevage de cochons, je suis un gentleman farmer. Je crache sur ton eyeliner. Les couilles sont en platine, le fer est en acier, la couronne est de laurier. J'ai la dent répertoriée, de ce franc comme Serge Aurier. Des fois les choses que tu crois être les plus simples sont les plus vraies. Tu y penses dans ta cellule, quand tu veux graille un que gré. Injection de synthol, pas besoin d'épinards, nique la grand-mère à Popeye. On fait du sale pour faire de l'oseille pendant que la lune fait la course avec le soleil. Ça finit mal comme dans un braquage, mon gang a bien appris la leçon. Il faut tuer tous les otages, même quand tu as pris la rançon. Démarrage on top, si tu veux nous voir, prends un télescope. Démarrage on top, si tu veux nous voir, prends un télescope. Démarrage on top, si tu veux nous voir, prends un télescope. Démarrage on top, si tu veux nous voir, prends un télescope. Tous tes gosses sont inspirés, tous mes gars sont déchirés. Tu t'emmènes dans ma virée, ça ne va faire qu'empirer. Tous tes gosses sont inspirés, tous mes gars sont déchirés. Tu t'emmènes dans ma virée, ça ne va faire qu'empirer. La confiance change de corps, tu ne contrôles pas. C'est le monde à l'envers, tu ne peux rien y faire. Comme quand le petit frère devient plus stockman que son grand frère. Ce n'est pas de la chance, non. Je renais de mes cendres comme le phénix. Ne crois pas à cette meuf, ce n'était pas des vacances à PX. Passé au luminol, tu trouveras du sang dans le Saint Graal. La police judiciaire étudie tous mes classiques à la centrale. À la centrale, tellement de punch, tellement de punch qu'on ne compte plus. Je me transforme en loup comme Logan chaque fois que la lune est pleine comme ton cul. Comme ton cul. Sale pute, tu crois quoi? Je te traque, t'es ma proie. Je viens du 9-3, légendaire comme le numéro 23. Je vais lâcher mes troupes, je vais lâcher mes troupes. Je vais gagner des coupes, je vais gagner des coups. Qui veut rester se faire molester? Qui veut tester sa majesté? Démarrage on top, si tu veux nous voir, prends un télescope. Démarrage on top, si tu veux nous voir, prends un télescope. Démarrage on top, si tu veux nous voir, prends un télescope. Démarrage on top, si tu veux nous voir, prends un télescope. Tous tes gosses sont inspirés, tous mes gars sont déchirés. Tu t'emmènes dans ma virée, ça ne va faire qu'empirer. Tous tes gosses sont inspirés, tous mes gars sont déchirés. Je t'emmène dans ma virée, ça ne va faire qu'empirer. 225 ma trompe t'as déjà troué, je suis un éléphant dans ma peau, j'ai la mémoire. Des putes veulent prendre le pouvoir, elle m'a dit que j'ai les couilles qui sont bons pour un noir. La crosse n'est pas du Selwell, ceci n'est pas de la décoration. Les bras de la taille de tes beugeons, ceci n'est pas un défaut de fabrication. Libérez les AK, libérez les Uzi, fouillés dans tous les convois. C'est pour les miens, c'est pour les sans voix. Je vais bientôt donner le coup d'envoi. Même si tu galères, pour toi c'est dur. Même si tu galères, pour toi c'est dur. Ton son me casse les couilles comme le bruit de la turvoie quand je n'ai pas attaché ma ceinture. Tu peux me trouver dans la rue comme une douille. J'ai perdu la tête mais pas les couilles. Je ne te vois pas, j'ai pas ton temps. Je ne te vois pas, négro, je touille. J'ai toujours le pantalon qui bétonne. C'est toujours moi qui marche sur tes tétons. Déterminé comme un fennec, je viens pour tous vous baiser vos schnecks. 9-3. Carus 2-7. 2-7. 2-7. Démarrage hold up à l'instant, ouais. Sur Skyrock. C'est Caris 2-7-0, frérot. Double Fuck, c'est sorti depuis aujourd'hui. Vous pouvez toujours le précommander, c'est dans les bacs. Sinon allez le chercher dès demain ou dans les jours qui viennent pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Et puis les autres aussi. Je vais faire un gros big up au poteau Samat de Fray. Voilà. Samat, pense à lui. Et moi aussi un gros big up à Big Sans Amazing. Et ben on dédicace tout le monde. Un big up. Et un big up à Prims aussi. Prims Bobo. Ah, et comment s'appelait ta masseuse thaïlandaise? Tu veux pas la dédicacer? Non, j'aime pas son nom. Il connaît pas son nom. Un gros big up avec Fred. Bon rétablissement à quelqu'un qu'on aime beaucoup, ouais. Qui est en train de lutter contre une maladie grave. Je pense avec et mon cœur y est. C'est une maladie qui peut toucher tout le monde, c'est le cancer. Donc un gros big up, mon cœur y est. Bon rétablissement à toi. Et un dernier Kheitos. Pour Yas, Kéostar là, Boucan. Tu sais très bien, mon Kheitos, qu'on est là. Ça fait 7 billes que tu tournes. Mais dès que tu sors, on casse tout, Kheit. Marlo, Beko Black. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour le live, messieurs? Magbamus. Est-ce qu'on peut passer au live? Comme jamais. Wormsty, Caris. Comme jamais. Et bah, comme jamais, c'est parti. Kheitos. C'est comment? Vivich DDF. C'est comment Skyrock, vous êtes là ou pas? Hein? On les baisse fort. Ray, si tu donnes des blasts, tu sais pas mon cave, c'est que t'es pudique comme une salope. J'rate jamais l'occasion, rien de plus sauvage, elle en a plein la bouche comme du yop. J'ai chopé la rage dès le démarrage, j'vois que des barrages de liquide vers le large. Il fut un âge où là je n'ai plus. J'ai des outils mais j'ai pas de garage, que des clics. Bang dans leur grand Mercure, saigne comme la chatte de leur go. Les crimes sont vrais, mais les alibis sont faux. Tu veux me dépasser, je te découpe la tête avec les hélices. J'suis dans l'hélico, comme Pablo. Plateau promo, j'te pousse à plot, t'as du mal à yep. J'ai besoin d'une auto, j'ai du mal à yep. J'suis pas rigolo, on va tous les yettes. Les keufs ont leur intérêt, que des balayettes. T'es tellement mou qu'on te mélange comme la purée. On va te prendre à deux, comme j'ai la durée. Le temps c'est de l'argent, mais pas sur la durée. J'rappe pas pour les enfants, j'suis pas un curé. Breton peut curer le zen, faut finir la cassette avant la levée du soleil. J'veux faire tapiner la reine, c'est de la boucherie. Tes sourcils sonnés dans le port jartel. Ça y est, t'as vendu 2-3 barrettes. On va pour en faire tout un cartel. Comme dans Blanc, je veux de l'oseille dans toutes les pièces de mon appartement. Je m'en fous de dormir à l'hôtel. La seule solution, c'est qu'il y en a pas. C'était le gros poisson, moi je suis là-bas. Retourne de bande avec tes abats. Le rap, c'est de la merde, je préfère écouter Abba. Quand les keufs perquisent, ils déclarent la moitié et partagent le PNF en deux. Michael, t'es une grosse galère, comme les programmes de France 2. L'ancien veut tenir le bitume autant que la reine d'Angleterre. Tu sais pas tenir le volant, tu me demandes de laisser faire. Stup, t'as autant de flair qu'un coquet. La nourrice c'est la fille d'à côté. Je la nourris jusqu'à rôter. Explique car même décapoté. Je suis avec Zako, on tourne, on cherche l'oseille. J'aime bien les bracos mais j'aime pas la vaisselle. Je te parle de SL, t'as l'auréole sous les aisselles. La brezou, RQ. Tu m'étonnes qu'elle en a ras le cul avec ce qu'elle transporte. Va les obus qui représentent la rue, on n'en parle plus. Double fuck, tout le monde. Double fuck. Aïe! Pas kill kill, Stein, 9-3-2-4-0, négro! Ray! Stein dans le building, Bourousse Madja, Jinka, Issa, Yabou! On est Al ou pas? Kako Dealer, Jed Aubert! Bang! Wouh! Kill boy! Toi et moi, c'est pas ex-écho. J'vois personne, j'ai caché le rétro. Un jour en Merco, l'autre en Clio. J'suis pas ton frère, m'appelle pas bro. J'envoie de la pure, alias Pablo. J'vois personne, j'ai caché le rétro. Tu souris devant, tu slashes dans le dos. J'sens les gens, surtout les poteaux. Ils font les nouveaux, mais c'est des mythos. Ils parlent de nos vies, on se rate en clito. 9-3 Gomorra, fuck Chiro. Père de Dita, vodka Siro. Saprital, j'les rends miro. Sombre comme l'Algérie et ses généraux. Pénaf dans le GP, mais dis pas tarot. Tes mots sont carbo comme Pro Mazzaro. Côté du bélier devant Pizza Pino. Les frères que Marmel à la Tarantino. Pour faire du papier, j'attends pas l'auto. Toujours équipé, saluté dans l'auto. La mort fait venir de la main de ton poteau. Aux yeux de tes proches, tu n'es plus qu'une photo. 9-3-S sur le maillot. 9-3-S dans les caillots. Ouais mon négro, dis-leur que je suis prêt. J'arrive, je suis déter, je vais tout casser. Une silhouette à la craie. J'ai mon arme tout près de moi. Au cas où faut te fumer. Fumer. Double fox dans les bacs gros, va le chercher. Aïe. Kill ba. Ray. 9-3-2-4-0. Tu connais Ray. Riska 93 frérot. Big up au 9-3 Ritos. À l'instant donc en live, Bakil, Wormsty aussi pour le freestyle ce soir dans l'émission. Avant de se quitter, on attend de mettre des derniers sons, ouais, Caris, non? On a le temps fort. Comme c'est sorti aujourd'hui, autant en profiter. On peut mettre des cas. Des cas? Ouais. En particulier parce que c'est... Parce que j'ai pas besoin d'appeler un docteur. Je vais me soigner à autre chose. Ah oui. Bah, tiens, il y en a beaucoup comme moi. Écoutez la réponse maintenant sur Skyrock. C'est parti. Caris. La punition, Ray. C'est de la punition. 2-7-2-1-0 poteau, t'as double A. Thérapie musique. RGT. Bison, Mikey. 2-7. 2-7. Je n'ai pas besoin d'appeler un docteur. Je me soigne au shit et à la bœuf. Je n'ai pas besoin d'appeler un docteur. Je me soigne au shit et à la bœuf. Double Kalashnikov, double Kalashnikov. Ma tata et des bravas, j'en ai deux. Double Kalashnikov. J'ai même pas besoin d'ouvrir le feu. Je n'ai pas besoin d'appeler un docteur. Je vais mourir que si Dieu le veut. Horatio Pagani dans le menteur. 3 grecs frites, j'ai un creux. Gucci et bien force. J'suis à Lyon comme ses fiou pute. Je suis capable de reconnaître ton gros cul dans la fosse. Feu d'artifice après l'attentat. J'avais déjà la gaule dans le placenta. Mon Glock va les faire danser la lambada. Leur fin est marquée sur mon agenda. Regarde à ma arme dans ton secteur. Ne prends pas ton casque, j'en ai deux. Double Kalashnikov, double double Kalashnikov. Sur ces fils de pute à deux mes deux. J'peux être galant, t'inquiète, c'était ma femme. Je peux tenir la porte avec ma queue. J'attends qu'ils comptent pour venir manger leurs œufs. À l'identification, leurs hommes seront pas vieux. Je n'ai pas besoin d'appeler un docteur. Je me soigne au shit et à la peu. Je n'ai pas besoin d'appeler un docteur. Je me soigne au shit et à la peu. Double Kalashnikov, double double Kalashnikov. Pas ta taille des bravas, j'en ai deux. Double Kalashnikov, double double Kalashnikov. J'ai même pas besoin d'ouvrir le feu. Je n'ai pas besoin d'appeler un docteur. Je me soigne au shit et à la peu. Je n'ai pas besoin d'appeler un docteur. Je me soigne au shit et à la peu. Double Kalashnikov, double double Kalashnikov. Pas ta taille des bravas, j'en ai deux. Double Kalashnikov, double double Kalashnikov. J'ai même pas besoin d'ouvrir le feu. Tu n'as pas besoin d'appeler un docteur. Si tu veux, je peux donner mon avis. Va te faire enculer par un porteur. Michel Fourniret est du même avis. Je n'ai pas besoin de raconter ma vie. Mon silence à lui seul fait du bruit. À travers le hublot de mon avion, je vois ces putes fermer les rideaux de leur camion. Ces négros sont mes petits, ces négros sont mes stonfis. Ces négros sont mes yankees, ces négros sont mes jambis. Ces négros sont mes rakis. Je peux les mettre à kiki. Je coupe, j'emballe, je bibi. Maserati Ghibli. Elle est bonne. Cette poudre est blanche comme Michael Jackson. T'as reconnu Pablito à la galache. J't'arrose le clito à la galache. J'arrive en sens inverse et j't'éblouis. J'garde les pleins phares, j'en ai rien à foutre. Tu t'électrocutes en même temps tu suis. Zont mis des câbles électriques sur ma poutre. T'as acheté ton flow pourri à téléachat. Ça parle de AK, tu veux pas se mêler à ça. Anti-balaka contre Seleka. J'avais déjà rempli les sacs dans Orange Selecta. C'est bon. Je n'ai pas besoin d'appeler un docteur. Je me soigne au shit et à la peu. Je n'ai pas besoin d'appeler un docteur. Je me soigne au shit et à la peu. Double Kalashnikov, double double Kalashnikov. Pas ta taille des bravas, j'en ai deux. Double Kalashnikov, double double Kalashnikov. J'ai même pas besoin d'ouvrir le feu. Je n'ai pas besoin d'appeler un docteur. Je me soigne au shit et à la peu. Je n'ai pas besoin d'appeler un docteur. Je me soigne au shit et à la peu. Double Kalashnikov, double double Kalashnikov. Pas ta taille des bravas, j'en ai deux. Double Kalashnikov, double double Kalashnikov. J'ai même pas besoin d'ouvrir le feu. RGT. Voilà un morceau ordonnance. Voilà. Le morceau qui s'appelle Deka. C'est l'ordonnance. C'est Deka. L'ordonnance. C'est extrait de Double Fug. Merci en tout cas pour cette semaine, Caris. Merci à toi, frérot. Est-ce que tu veux prendre un dernier appel? Tiens, petit dernier avant que je file le portable la semaine prochaine. Numéro masqué. Ah. Et bon, on va voir qui se cache derrière ce numéro masqué. 06 71 74 84 15. Allô, qui étais-tu? Wesh, Caris, de quoi? Wesh, bien la petite gueule. De quoi, poteau? Tu t'appelles comment, le frérot? Kyrian, poteau. Ça va ou quoi, Kyrian? Ça dit quoi? T'es d'où? Là, on écoute Double Foc au calme. Ouais, tu te mets bien, je vois que t'es bien là. Tranquille. Tu n'as pas besoin d'appeler un docteur toi, hein? Si, ça fait plaisir, ça fait plaisir mon poteau. Ça va, t'as kiffé l'album? Tu kiffes ou quoi? Ouais. Ah, Silver, ça fait plaisir. Poteau, bien joué. Ah, merci. Il y a le clip qui arrive à 18h de Sinaloa lundi, hein, t'as vu? N'oublie pas d'aller le théma. Poteau, il y a moyen que tu fais des dédicaces. Ouais, bah oui, y a pas de problème. Tu veux que j'ai dédicace qui, dis-moi? Bilux, Beton et X-Drew. Grosse dédicace à Bilux, le deuxième. Beton. Et le troisième, ça fait gloup. Mais... Tu crois que j'ai entendu c'est, ça? C'est qui le troisième, frérot? X-Drew. Drew? Ouais. Grosse dédicace à Drew. Voilà, les mecs. si, force à vous, les frères, force à vous. Force à vous, les potos, force à vous. Force à toi, continue comme ça. Merci, mon poteau, t'es une bombe, voilà, t'es une bombe. Un petit fit avec Gradure, hein. Inch'Allah, si Dieu veut. C'est Dieu qui décide de tout. Voilà, mon poteau. Ouais. Bah merci à toi et merci, ciao, ciao, mon pote. Merci à tous les gens qui ont appelé aussi ce portable que je vais reprendre, Caris. Ouais, je vais te le redonner. Et que je vais confier la semaine prochaine en à quelqu'un. C'était pas le mien. Vous avez bien 40. Ouais, comme toute la semaine. C'est la ligne directe pour joindre des artistes de Allez, bonne soirée, frérot. Ouais, quelqu'un que tu connais bien qui vient la semaine prochaine, c'est Blacko de Sniper, ouais, qui t'avait posé. D'ailleurs, Blacko, un morceau terrible. Hein, je dis ça, ouais, c'était sur le précédent projet. Auto Blacko sur le bruit de mon âme, on avait fait un putain de morceau. Un putain de morceau que vous pouvez toujours d'ailleurs retrouver. Voyageur. Merci pour cette semaine, Caris. Qu'est-ce qu'on rappelle? On rappelle que le clip arrive lundi. Le clip arrive lundi à 18h. Le Zénith le 9 novembre. 9 novembre. Le 20 janvier, il y a un gros film qui sort dans toutes les salles de France. Les projets continuent. Et allez, push. Le 23, on est à Allez Toulouse. Prendre Double Foc aussi. Double Foc, très bien. À Lyon, allez pécho Double Foc. Prenez-le. Écoutez-le. Mettez-vous bien. Merci à vous. Merci à Lotti qui est passé cette semaine. Merci à Paquille qui est passé ce soir aussi. On est là. Ce soir, le 9-3. Ce soir, c'est le 9-3. Et tous ceux qui sont passés cette semaine. C'est Barbare, PS Auteuil. C'est Barbare, PS Auteuil. Paname. Tous les équipes de Sevran hier aussi. De Sevran. Solo, mon poteau Solo, bien sûr. Solo le mythe. Solo le mythe. Braco. Allez, big up à Fred passé aussi pour la Double Fox. Merci. Double Fox. Fox criminel de 7-0, frérot. La rue, négro. Avant de se quitter, 13. On fait tourner la roulette et on retrouve Default juste après. Est-ce qu'il y a du monde ce soir? What the fuck? Skyrock t'offre la tournée du nouveau disque d'or du rap français, Youssoupha. Youssoupha. Plus ton kit de fringues pour aller au concert. Asma de Lille, comment ça va, Asma? Ça va très bien, toi? Eh ben écoute, en pleine forme, je te présente Caris. Asma, ça va? Enchanté. Ou quoi? C'est ma copine, tranquille, tu vas bien? Ça va, tranquille. Si, je suis corda. Tu fais quoi? T'es posé à la maison? Tu bouges? Ouais, c'est ça. Non, après, on va bouger, mais là, pour l'instant, on est posé tranquille. Ah bah tu as raison, c'est vendredi soir, faut en profiter un petit peu avec le voilà, trap de Caris. On fait tourner la roulette, c'est parti? Ouais, c'est parti. Tu vas gagner, t'inquiète. Asma, en douceur. T'as gagné en douceur. Et bah voilà, Youssoupha en tournée. Il y a deux places qui t'attendent du côté de Lille, c'est pour toi. Ah super, voilà, je suis content, merci avec le tout le monde. Avec les fringues WTF, what the fuck. Avec un petit débardeur pour les nanas, c'est pour toi, on t'envoie ça rapidement. Merci, c'est cool, je peux passer une dédicace? Vas-y, vas-y, Asma. Alors je fais une dédicace à mon meilleur ami, Florian, mon héros, à Jubitin et à Antoine du 8-0. Ah bah c'était mignon comme tout. Merci. Bisous Asma. Salut Asma. Ciao. Ouais, merci Caris une fois de plus. Merci à toi. Merci pour cette belle semaine. Merci aussi à l'équipe de producteurs. Tiens, comme ce soir, il y en avait. Loxon qui faisait partie de l'équipe de thérapie. Merci à thérapie, ouais. Merci à Chichi merci à Redfus, merci à Charlito, Fantôme, merci à Fantôme et tous ceux qui ont thérapie participé musique au projet Double Fuck qui est dans les bacs, ça y est depuis aujourd'hui. C'est la sortie. Merci, merci Caris. Merci à vous tous, on va retrouver D-Fool maintenant. Et oui Fredo. Qui doit être là installé. Ben évidemment qu'on est là, oui. Pomme de heureux. Salut Caris. Coucou. Ah Marie, eh ben, oui, Marie je suis tu n'es pas venue twerker cette semaine. Eh non, je ne twerque pas. Bah alors, pas il faudra twerk, que j'apprenne. Bien, Marie, seulement le week-end. Il reste juste ouais. Minuit. Ah ouais, Fred, attention. Minuit, c'est le week-end. C'est même le week-end. Mais j'ai un produit pour déjà. Toi, pour que tu te lâches un peu. Là. Ah, ça c'est bien. T'es trop ça. Coincé, Marie. Ah ouais, je suis trop coincé. Oui, c'est vrai, c'est ce qui caractérise Marie, trop coincé. Totalement. Quatre mecs avec une meuf, ils n'ont jamais rien fait, c'est pas possible. Ah, ça tu sais pas. Ah, il se passe des choses là-bas. On a pas que je vais arriver là, je vais venir voir ce qui se passe. Je veux participer. On n'a pas tout dit. Je vais participer. On va se détendre, les mecs, là. Bah attends, Marie, c'est vendredi, c'est les vacances et tout. Vendredi, c'est open bar, non? C'est bah, oui. Open bar, d'accord. Open surf, non. Marie, dis-nous qui est le plus beau gosse, quand même, de l'équipe. Bah, devine. Bah, D-Fool, évidemment. Ah, attends, voilà. D-Fool, tu sais bien. C'est ouais, vraiment parce que vous l'avez pas vu. Un mini walk. Elle me voit tous les soirs, c'est Gizmo, mon pote. Elle parlait pas de la tête, elle parlait d'autre chose, je crois. Bah, oui, en général. Ah ouais. Bon, bah en tout cas, merci Caris. En tout cas, si ça ressemble à sa tête, laisse tomber. Hein. Ouais, ce qu'on appelle une tête de bite dans ces cas-là. C'est voilà. Ça. Voilà. Bon, ouais, ça cartouche là ce soir, hein, c'est charmant. Ah, ça y va, ça va être sympa. Ça cartouche, c'est le cas de le dire. Ouais. Ouais. C'est parti jusqu'à minuit dans un instant, la radio libre sur Skyrock. Viens nous faire un petit coucou, Caris. Vas-y, j'arrive. Viens passer ta tête et ta barbe. Direct. Alors, il va rentrer pas sa si tête. Mon crâne va passer, mais je vais passer quand même. Ouais, essayer de faire passer le crâne. Surtout les bras. Moi, c'est les bras qui m'inquiètent. Ah, bah il est impressionnant. Ah, ouais, Caris. Tu as un bras de fer ou quoi, Fred? Ah non, tu vas nous le casser. Tu vas pas pouvoir faire un nocturne ce soir, c'est pas Écoute, possible. Je vais aller m'entraîner un peu. Vas-y. Au prochain projet, au prochain Planète Rap. Prochain, c'est sûr. C'est noté, prochain Planète Rap, on commence le lundi. Bras de fer, bras de fer direct. Et c'est fini. Oh mon Dieu. Et ben lundi, il y a Blacko qui débarque dans Planète Rap. Et ce soir, 21h minuit, radio libre. Et juste après, il y a la nocturne 100% en français. On passera évidemment beaucoup de sons de Caris. Et puis on rendra aussi hommage à Bushy qui nous a quitté il y a quelques jours de ça. Il y a un mix qui a été fait par son homme, par DJ Snatch. Donc il y aura un mix spécial Bushy ce soir dans la nocturne. Et ben ça a pas loupé. Ouais. À partir de minuit sur Skyrock. Merci Caris, merci Fredo. Merci. Et merci. C'est parti pour vous tous et vous double tous qui êtes branchés. C'est le double fuck, l'album, la mixtape de Caris. Ah bah maintenant ça va être compliqué parce que nous il faut qu'on reste jusqu'à minuit. Hein. Rien pour toi, t'inquiète. Ah, non, c'est gentil, merci. On nous l'amène à nous. Profitez bien de cette soirée, Radio Libre 01 53 40 30 20 pour nous appeler à les idées maintenant si vous voulez vous retrouver dans l'émission avec nous. Tout est possible jusqu'à minuit. C'est parti avec Le Fa. On écoute quelques minutes après vous avoir passé le nouveau Le Fa, un nouvel extrait d'album de Le Fa qui sort en janvier. Le Fa de la section d'assaut, quelques minutes et Radio Libre. C'est parti. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Ils les appellent dans toutes